Cartographie des mémoires, Agaris. Il était évidemment hors de question d'inviter Yon à la maison. Alors j'avais décidé de nous installer près du ruisseau. L'herbe y était haute en cette saison, mais l'endroit était magnifique et suffisamment éloigné du village. Yon était venu avec son sourire aux lèvres, et quelques minutes plus tard, nous étions installés sur l'herbe. J'avais apporté des chips et une bouteille de vin. Un peu léger, c'est vrai, mais de toute manière, on n'était pas venu pour manger. J'avais retiré mon t-shirt et dégrafé mon soutien-gorge. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» m'avait-il demandé en regardant mes seins stupéfaits. « À ton avis ?» Nous nous étions déshabillés en deux temps trois mouvements. J'avais besoin de le sentir contre moi. Je m'étais dit que ça allait être merveilleux et je n'avais pas été déçue. Et on avait continué à s'entraîner cet été-là, protégé par les arbres et par les herbes hautes. Allez, on va continuer à marcher. Tu vas remonter le chemin que tu vois par ici de manière à avoir le champ à ta main droite. Dans le monde en perpétuel mouvement dont parlait Héraclite, ne rêvons-nous pas d'une pause dans un endroit comme celui-ci ? Un petit remous tranquille avant de rejoindre le courant ? Voilà ce qu'est cet endroit pour moi. Un endroit où je peux me reposer. Un endroit où ma famille peut venir, année après année, comme les mésanges ou les hirondelles. Mais le temps, comme l'eau de la rivière, ne s'écoule pas en cercle. Il ne reviendra pas là où il était avant. Il tourne comme une spirale au gré des saisons, des enfants qui grandissent et des rides qui se creusent. Il ne reviendra pas, mais malgré tout, l'herbe continuera à pousser. Les enfants continueront à descendre la rue en vélo. Il ne reste qu'à se réjouir que la spirale du temps nous ait amenés ici et nous satisfaire de sa beauté. Dans ma poche, j'ai une des cartes que j'avais tracées enfin. Une ligne blanche indique mon itinéraire préféré, la ligne bifurque à des croisements. Il me suffit de poser le doigt sur tel ou tel endroit pour raviver les souvenirs qui habitent ces paysages. Et si je perds la mémoire ? Que deviennent les souvenirs quand ils sont chassés des lieux où ils sont enracinés ? Que deviennent les souvenirs quand le temps efface des images et raye des lieux sur une carte ? Je raconte mes souvenirs à mes enfants avant qu'ils ne soient trop grands pour en mourir d'ennui. Et quand je partage mes souvenirs avec Yon, quand les souvenirs qui dansent dans ma mémoire sont les mêmes que dans la sienne, alors je suis rassurée. Tous ces après-midi sur le fronton, à descendre la rue du village à vélo, à trouver de nouvelles cachettes, à embrasser Yon derrière le garage. Si mes souvenirs s'ancrent dans ces lieux, alors l'amour s'ancre aussi dans ces paysages. C'est ce que je ressens quand je me promène dans Garis. C'est pourquoi je m'inquiète des morceaux de souvenirs qui disparaissent. À présent, comme la mésange, je me retrouve à collecter des anecdotes, à les ranger là où j'espère les retrouver, et à transmettre toutes ces cartes à mes enfants pour prendre de l'avance sur l'hiver. Le prochain arrêt, on va le faire sur la petite place qu'il y a juste devant la maison où on s'est arrêté tout à l'heure, devant Jourdenia.